amoureux. Redonner. Vouloir. Compliqué. Exiger. S'aimer. Facilité. S'approprier. Garder. Consolider. Devenir. Douter. Effacer. Éviter. Éluder. Détruire. Éradiquer. Lutter. Puis reprendre. Délivrer. Meurtri. Retrouver. Vouloir, toujours vouloir. Apprendre. Encore, encore. Parler.